Situation 3. Je dois renouveler mon titre de séjour. Bonjour. Bienvenue sur le service d'information de la préfecture de police de Paris.